je veux t'aimer. N'attends pas demain, viens sans hésiter. Mais il faut, il faut, il faut avant tout me dire oui. Le soleil est si doux, le vent joue dans tes cheveux fous. Donne-moi la chance de te dire je t'aime. Laisse loin tes regrets, laisse loin tes peines. Et bientôt, bientôt, bientôt, l'amour nous dira oui. L'amour que j'attends avec toi, je veux le trouver. Ne me dis pas non, car tu pourrais tout cacher. Mais il faut, il faut avant tout me dire oui. Et bientôt, bientôt.